La web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo vous invite dans la discothèque du compositeur Gilbert Ami. Je suis allé dans ma discothèque et puis j'ai commencé à parcourir un peu les disques que j'ai pu accumuler au fil des années. Alors je précise qu'en tant que compositeur, je ne suis pas ce qu'on appelle un discophile. J'ai, comme tous les musiciens professionnels, pas mal de disques, certains que j'ai écoutés plusieurs fois, d'autres que j'ai écoutés qu'une fois, et certains même, malheureusement, que je n'ai pas écoutés. Mes choix vont tantôt pour une préférence d'interprétation, quand il s'agit d'œuvres du répertoire très connues, etc. Tantôt pour des œuvres que j'ai découvertes, soit dans le répertoire baroque, soit dans le répertoire contemporain, soit par des interprètes que j'affectionne particulièrement, quelle que soit en quelque sorte leur production discographique, ou avec qui j'ai des liens d'amitié, et ça peut être souvent évidemment tout à fait conjoint, et éventuellement quelques coups de cœur. Vous serez peut-être surpris, par exemple, il y a certains choix de musique baroque qui interviennent. C'est vrai que j'ai suivi, à partir du moment où j'ai été, surtout dans la période lyonnaise, conservatoire de Lyon, l'éclosion de certains ensembles baroques, l'éclosion de l'intérêt et de l'amélioration extraordinaire des interprétations de la musique du grand siècle, mais pas seulement, et plus largement des musiques se servant des instruments historiques. Et c'est pour ça que vous verrez les ensembles comme Correspondance, ou comme le poème harmonique, ou plus près de nous, Les siècles, et bien d'autres. Donc ce sont mes axes de choix principalement, aussi avec un large panel, avec des interventions très très récentes, de disques parus quasiment cette année ou à la fin de l'année dernière, et d'enregistrements bien antérieurs, quelquefois en mono, mais qui correspondent à ma jeunesse et les musiques que j'ai pu découvrir ou que j'ai pu entendre, les sonorités par exemple d'orchestre que j'ai pu entendre j'étais étudiant au conservatoire quand j'avais 20 ans. Ouvrir par Beethoven, c'est pas si mal, tout le monde le connaît, et il y a d'innombrables interprétations. J'ai choisi le 4e concerto, c'est un concerto qui est très joué bien sûr, mais qui est finalement de dimension presque plus modeste que d'autres, avec un mouvement lent très court, et une parution de la fin de l'année dernière de mon ami Jean-François Esser, que j'admire beaucoup comme pianiste, mais qui n'est pas seulement pianiste, qui est aussi chef d'orchestre, qui est directeur artistique d'un orchestre, etc., et qui a publié donc ce coffret des concertos de Beethoven avec lui au piano, dirigeant du piano. Et le jeu de Jean-François Esser, qui est caractérisé par une extrême clarté, une justesse d'approche et une certaine réserve, disons, dans l'expression des sentiments, est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est aussi un interprète qui a réservé une part non négligeable de sa carrière à la défense de la musique contemporaine. Donc pour toutes ces raisons, j'aimerais bien ouvrir avec ce final du 4e concerto. Thank you. Thank you. L'invention de Beethoven s'est portée en particulier, on a souvent relevé, sur les dimensions extraordinaires qu'il a données au scherzo dans la symphonie, aussi dans certaines sonates, mais particulièrement dans les symphonies. Et j'ai relevé dans la 9e symphonie de Bruckner une interprétation que je trouve particulièrement pertinente, qui doit dater des années 90, donc du scherzo, enfin en général de la symphonie numéro 9, par l'orchestre symphonique de la radio de Saarbrück, Saarländischer Rundfunk, donc dirigé par un homme qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est un grand chef d'orchestre, qui a fait surtout une carrière aux États-Unis, puisqu'il a eu en charge, je crois, l'orchestre de Minneapolis ou de Saint-Louis, je ne me souviens plus lequel, et qui est Stanislav Skowaczewski, que j'ai dû connaître à la fin des années 50 ou au début des années 60, j'étais très jeune, et qui a d'ailleurs fait plusieurs concerts à la radiodiffusion, avec l'orchestre philharmonique à l'époque où j'avais en charge. Remarquable musicien, aussi compositeur, modeste mais compositeur de qualité. Et je trouve qu'il donne une dimension à ce scherzo tout à fait extraordinaire, ce côté cathédral englouti, j'allais dire, par ces sonorités extraordinairement riches, mais en même temps une pulsation extraordinaire. Vraiment, j'ai été subjugué par cet enregistrement. Thank you. Alors, toujours dans mes archives, j'ai eu l'occasion de faire la revue critique, en quelque sorte, que m'avait confié le journal Le Monde, quand est paru le grand coffret Sony de l'intégrale Stravinsky. Donc, avec un certain nombre d'enregistrements sous sa direction, la plupart du temps sous sa direction, ce qui est un document de premier plan, au fil des années, avec des enregistrements plus ou moins anciens, mais enfin en général années 50-60, et beaucoup réalisés aux États-Unis ou au Canada. Et on ne peut pas extraire de cela grand-chose, tellement c'est monumental, mais j'ai été aussi frappé par l'intérêt de certains extraits de répétition. Bon, on dit beaucoup, on a beaucoup décrié sur le Stravinsky, qui n'était pas un bon chef d'orchestre, etc. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je trouve qu'il insuffle une pulsation et une acuité de regard sur sa propre musique déjà ancienne, au moment où il fait ses enregistrements, par exemple au début des années 60, alors qu'il s'agit d'œuvres des années 10 ou des années 20. Et je trouve particulièrement... extraordinaire ce fragment de répétition concernant Apollémon Isagète avec un orchestre à cordes donc devant lui, et je trouvais intéressant de rapprocher cette interprétation et cette interprétation en cours puisqu'il s'agit d'une répétition avec un regard beaucoup plus contemporain qui est celui de François-Xavier Roth avec son orchestre Les Siècles, mais qui joue, qui a enregistré le sac avec des instruments, donc la plupart du temps du début du XXe siècle, des instruments de petite perce pour les vents, comme on disait, et qui donne au sacre donc sa couleur d'une certaine manière, de la manière dont les gens ont pu l'écouter quand ça a été écrit en 1913. Mais le faire précéder par ce morceau de répétition de Stravinsky m'a paru intéressant. Le compositeur Gilbert Ami présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Good morning, gentlemen. What is the score? This gentleman. Take the coda, 71. Forte. Piano. Now you can sing. And try to do You know, as short as possible. 30 seconds. Da-dum. You hear the difference between the 60 and 30 seconds. Just once before. Test. The F is always very suspicious. Yeah. 52. I will ask you to give tira pa pa pa pa pa pa pa around 21. Right. I worked for it, and you say 21. Listen what I say. Tira pa pa pa pa pa pa pa. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 3. That's all. Once more, the swing. Tira ta ta ta ra ta ti tam. Tira ta ta ta. 1, 2, 3, 4. No, C sharp. Where is your C sharp after D? Hey, ra ra. Tarim taram. Play C sharp. Once more. Pour ce qui concerne François-Xavier Roth, un chef que j'admire beaucoup, dont j'ai connu les débuts et qui a dirigé plusieurs fois ma musique avec énormément d'acuité, je suis avec beaucoup d'intérêt le regard et la constante de retrouver les timbres des instruments, les factures même des instruments, en ce qui concerne par exemple les vents, correspondant à l'époque de la création de ces œuvres. Donc il y a eu du sur Debussy, sur Ravel, et puis il a fait aussi les enregistrements de Stravinsky, et dans la foulée, je trouve c'est remarquable d'entendre par exemple le début du Sacre, l'introduction et peut-être la première danse, dans la version de François-Xavier Roth, qui est enregistrée donc peut-être 2 ans, mais avec ces instruments dont la plupart sont des instruments fabriqués au début du XXe siècle. Thank you. Et dans la foulée, il m'a paru nécessaire de poser les jalons des années 50, donc, ou début des années 60, ou fin des années 50, c'est-à-dire à peu près au milieu du siècle, du 20e siècle, qui correspond à la période où j'ai commencé à faire mes études musicales très sérieuses. Et j'ai rencontré, parce que j'allais à ces répétitions, j'ai suivi ça, j'ai rencontré Engelbrecht, qui était le créateur de l'Orchestre National, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 1934, et qui était tout de même un assistant. Il a été assistant pour la création de Péléas, et il a suivi, était proche de Debussy. Et donc c'était, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'a pris sous son aile, et je désirais qu'un témoignage de son travail à la tête de l'Orchestre National soit aussi partie prenante dans cette émission, pas seulement pour le plaisir de l'anecdote, mais aussi parce que, si vous voulez, c'est intéressant de voir comment sonnait un orchestre contemporain il y a maintenant presque 60 ans, ou même 60 ans, puisque je crois que c'est un enregistrement de 1958, donc il a tout juste 60 ans. Et on s'aperçoit que l'interprétation, et surtout la sonorité, a évolué. C'est difficile de décrire en quelques mots, mais je crois qu'avec une pièce aussi célèbre que le Prélude de la Poésie d'un faune, que je vous propose d'écouter, on fera la différence entre cette version monophonique avec des timbres tels que l'orchestre les produisait à l'époque. On notera par exemple un léger vibrato dans le jeu des cors, qui n'existe plus maintenant, qui a pratiquement disparu. Aussi dans le solo de flûte, une flûte beaucoup plus droite, beaucoup plus directe et un peu plus rapide que ce qu'on a l'habitude d'entendre de nos jours. Bref, une sonorité sans concession, mais qui correspond vraiment à l'esprit de l'époque. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Gilbert Ami sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors, pour ce qui concerne Jean-Guy Enqueras, qui est également un artiste de mes proches, restons dans Debussy, peut-être dans la couleur de Debussy, pour une interprétation alors très récente de la sonate pour violoncelle et piano, la célèbre sonate pour violoncelle et piano. Et là, ce qui m'a bouleversé, c'est l'osmose extraordinaire de naturel et de perfection, j'allais dire, qu'on a entre les deux artistes. Bon, j'étais au courant qu'ils travaillaient ensemble, je les ai entendus en direct, dans un autre répertoire, mais tout aussi magnifique. Et ce jeu commun, extraordinairement racé et élégant, je pense que je suis heureux de... non pas de le faire connaître, parce que Keras et Tarot sont des artistes reconnus déjà depuis un moment, mais ils apportent une pierre à l'édifice, la construction de l'interprétation de Debussy. Thank you. Thank you. Mais pour rester peut-être dans le, sous le charme du jeu de Jean-Guy Enqueras, cet extrait de mon concerto de violoncelle, qu'il a enregistré en 2006, donc voici 11 ans, avec l'Orchestre de Paris, dont j'avais désiré que Jean-Guyen crée ce concerto, et ce qui a été fait dans l'année 2000, peu après son achèvement, au Japon. C'était une commande du Japon, Sanvery Hall, et de là a commencé une collaboration féconde entre nous. D'abord, il a rejoué plusieurs fois le concerto, et puis il l'a enregistré, et il a joué d'autres pièces, et c'est un artiste dont je suis très proche. Cet enregistrement qui a été réalisé à la salle Pleyel, en live, est de très grande qualité, et surtout il permet nous permet d'approfondir en quelque sorte ce regard sur le jeu extraordinairement clair et précis, mais aussi très engagé de Jean-Guy Enqueras. Thank you. Thank you. Oui, nous avons parlé au début de cette émission du renouveau du baroque auquel j'ai assisté enfin, en tant que musicien d'une manière extrêmement passionnée et la floraison d'ensembles de plus en plus remarquables qui maîtrisent l'idiome de cette musique baroque, principalement la musique du grand siècle, du XVIIe siècle. Et j'ai choisi, ce sera un petit peu notre volet vocal, plusieurs extraits, notamment un du disque de l'ensemble La Tempête, un excellent ensemble qui est dirigé par Simon-Pierre Bestion, et qui a eu l'heureuse idée de mélanger des pièces de l'époque baroque, justement de Purcell, pour ne pas le nommer, à des pièces contemporaines et notamment celle admirable du compositeur suisse Franck Martin, ses Songs of Ariel, ses chants d'Ariel qu'il a écrit au début des années 50 et qui sont magnifiquement rendus par la voix de contralto de Lucie Richardot. Parmi les auteurs de l'époque baroque et particulièrement du grand siècle, j'ai une prédilection particulière pour Marc-Antoine Charpentier, qui est, me semble, un musicien extraordinaire qui a fait la synthèse de l'écriture de l'époque avec une expressivité particulièrement remarquable. Et je trouve qu'il est très bien servi par l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé, qui en a fait pratiquement une intégrale. Dans l'un des enregistrements récents, les Litanies de la Vierge, j'aimerais vous faire entendre le Miserere Mei Deus, qui est un morceau vraiment extraordinaire. On peut difficilement trouver dans le répertoire de cette musique de l'époque un morceau aussi nouveau et aussi magnifiquement interprété par cet ensemble. Le compositeur Gilbert Ami présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Pour poursuivre cette remontée dans le temps vers le début, la première moitié du XVIIe siècle, eh bien, il y a l'incontournable Monteverdi, et j'aimerais vous faire entendre un extrait du couronnement de Poppée qui a été magnifiquement enregistré il y a quelque temps par le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm, avec des voix prodigieuses, dont la très grande soprano américaine Joyce DiDonato. Et j'ai choisi de vous faire entendre justement cet Addio Roma si émouvant, qui est la première, avec le Lamento d'Ariane, un des exemples de cette expressivité baroque si extraordinaire dans la musique italienne, et à mon avis portée à son pinacle par ces deux femmes, Emmanuel Haïm et Joyce DiDonato. Ciao, padre. pietade ai tronchi o ai sassi. Rimigate, rimigate, rimigate oggi voi perverse genti, allontanatevi, allontanatevi a noi, da dagli amati lidi. Toujours dans le registre de la musique vocale, là, mais d'une autre couleur, j'ai découvert un enregistrement récent de toute beauté de l'ensemble Écrit de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, et j'ai trouvé la programmation particulièrement attrayante avec... c'est une programmation contemporaine, donc aucune œuvre de référence, comme on dit, puisée dans leur répertoire, mais avec un focus sur la musique italienne contemporaine. Donc Fili Dei, Stroppa, Francesconi, Lanza. Et ce qui ressemble à une petite anthologie contemporaine, j'ai repéré, notamment je voulais vous faire entendre... cette œuvre de Francesco Fili Dei qui s'appelle Dormo molto amore, dans une version pour chœur de chambre a cappella. Et j'ai trouvé que c'était une pièce surprenante. Je connaissais un peu le travail de Francesco Fili Dei, qui est un musicien extrêmement intéressant et surprenant. Et j'espère que je pourrai vous faire partager cette curiosité musicale, mais tout à fait étonnante par son expression et sa modernité, je dirais, active sans être agressive. Oh. dans ce parcours de ma discothèque, j'ai retrouvé un enregistrement particulièrement touchant de Messiaen avec Yvonne Loriot, un enregistrement remontant à 1962, des Visions de l'Amen. Alors, je suis particulièrement touché par cet enregistrement parce que moi j'avais connu Messiaen au milieu des années 50, j'étais son élève pendant 2 ans au Conservatoire de Paris, mais j'ai aussi travaillé le piano avec Yvonne Loriot en privé, et un petit peu avant ces années-là, et donc j'étais formé par ces deux musiciens d'une manière complémentaire. Ils restaient très proches de ma pensée. Et aussi peut-être en hommage à un ouvrage qui vient de paraître, Musard de musicologie de première importance, autour de la technique de l'emprunt chez Messiaen, qui vient de paraître aux éditions Symétrie à Lyon. Un coup de chapeau à ce duo extraordinaire, donc avec une pièce majeure des années 40, Les Visions de l'Amen. Enregistrement. Alors, dans Les Visions de l'Amen, que Messiaen a souvent joué avec Yvonne Loriot, il avait destiné cette œuvre à Yvonne Loriot et en quelque sorte à lui-même, en se réservant la partie grave, le piano numéro 2. Et la partie plus virtuose à Yvonne Loriot. Amen de la création. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Gilbert Ami sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Je crois qu'on peut rester dans la couleur du piano et du piano XXe siècle avec un extrait du très beau coffret que Jean-François Esser a consacré à la musique espagnole, un disque qui a une vingtaine d'années maintenant, avec en particulier des œuvres de Granados, les Ibériades Albéniz, et également un auteur moins connu, mais qui est, je crois, maintenant très apprécié, qui est le musicien catalan Federico Mompou, dont Esser est un des interprètes les plus autorisés. Donc je vous propose trois extraits de ce coffret. Tout d'abord, la version piano, des extraits de la version piano du Tricorne, le célèbre triptyque de ballet, de Falla, mais dont la version piano est peu jouée et très remarquable parce qu'on y entend finalement tout, mais avec cette espèce d'expression pianistique qui est tout à fait typique de la musique espagnole, avec les harmonies très appoggiaturées. Et j'ai beaucoup de plaisir à écouter les danses de Falla sous les doigts de Jean-François Esser. Et je vous proposerai une pièce d'un grand cycle de Federico Mompou qui s'appelle Suburbis, qui est un musicien qui mérite d'être mieux connu. Et je crois qu'il est maintenant entré dans le répertoire d'un certain nombre de pianistes. Un musicien étrange qui écrivait sans barre de mesure et qui se promène un peu dans un univers qui est à lui un univers du piano. Il n'y a pas de pièce orchestrale de ce musicien, et c'est très particulier. Et puis, pour finir, une pièce alors beaucoup plus connue que j'ai choisie d'Iberia, El Albaicin, qui était une des pièces favorites de Debussy, dont il disait qu'elle était une des plus belles pièces jamais écrites dans la musique. Enfin, je ne sais pas si c'est une des plus belles pièces, mais enfin, une pièce très attachante, et sous les doigts de Jean-François Esser, extrêmement enrichissant d'écouter ce répertoire donc, de piano espagnol. le compositeur Gilbert Ami présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Alors, dans les enregistrements récents de ma propre musique, j'en citerai deux. L'enregistrement très récent qui vient de paraître sous le titre « Du temps du souffle », qui est le fruit d'un travail d'élèves ou d'anciens élèves du Conservatoire de Lyon avec l'un de leurs professeurs, Sergio Menozzi, clarinettiste et saxophoniste, qui est un disque qui a reçu un accueil favorable de la critique récemment. Et puis, un enregistrement plus ancien, qui est paru sous le label du Printemps des Arts de Monte Carlo, et qui comprend une grande pièce symphonique, trois mouvements symphoniques, l'espace du souffle, donc non pas le temps du souffle, mais l'espace du souffle, qui a été enregistré sous la direction de Jean Deroyer par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo en 2012. Thank you.